dedans. D'abord on n'y a pas pensé, on s'est contenté de mâcher. D'abord on n'y a pas pensé, on s'est contenté de mâcher. Ça se gâte soudain, ça vous fait mal et on y tient. Et puis ça se gâte soudain, ça vous fait mal et on y tient. Ça vous fait mal et on y tient. Soigne et les soucis, et pour qu'on soit vraiment guéri, et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie. La Il faut l'arracher.